L'orage approchait. J'épuisais ma fort nerveuse en lâcheté, en audace, et éreinté par les mille contradictions de mon âge aux prises avec une aventure d'homme. L'amour anesthésie en moi tout ce qui n'était pas Marthe. « Et au moins pitié de notre enfant, » disait Marthe. Pour pouvoir se retrouver à Paris, Marthe, le narrateur, se voit contraint de coucher à l'hôtel. Mais, à chaque hôtel, pour ne pas entrer, j'ai inventé une mauvaise excuse. Ma honte dramatisa le retour. « Répète-moi que tu me quitteras, » lui disais-je, haletant, et la serrant dans mes bras jusqu'à la casser. Soumise, comme ne peut même pas l'être une esclave. Mais seul un médium, elle répétait, pour me plaire, des phrases auxquelles elle ne comprenait rien. Cette nuit des hôtels fut décisive. Marthe, elle, dans le coin du wagon de retour, épuisée, atterrée, claquant des dents, comprit tout. Peut-être même vit-elle qu'au bout de cette course d'une année, dans une voiture follement conduite, il ne pouvait y avoir d'autre issue que la mort.